M'entendez-vous là? Entendez-vous là? OK? Je veux établir avant que je commence. Écoutez-moi bien parce que c'est bien important. Fait comme ça, vous n'aurez pas de tension. Vous saurez que faut que ça soit fait de même. Je veux établir avant que vous commencez, que je commence là, que à partir d'aujourd'hui, dans les autres rencontres sociales qu'il va y avoir, s'il n'y a pas de place pour vous autres, là, parce qu'il y a trop de monde, je suis pas pour commencer à refaire des séminaires, moi. Fait que s'il n'y a plus de place dans une rencontre sociale, parce que soit que la maison est trop petite, puis je veux pas m'empêcher d'aller chez quelqu'un parce qu'il y a une petite maison. Alors, s'il y a trop de place, il y a plus de place dans une rencontre sociale, puis que l'hostesse vous dit il y a plus de place, c'est final, obstinez-vous pas. Si vous vous obstinez, je vais vous barrer pour toujours. Parce que vous aurez rien compris. Fait que si vous vous obstinez, puis moi, je joue pas, hein. Si vous vous obstinez, je vais vous barrer pour tout le temps, puis vous pourrez plus venir. Fait que ça sera final. Puis moi, je reviens pas sur mes pas. Quand je prends une décision, c'est fini, parce que c'est eux autres qui m'en font prendre la décision. Alors, à ce moment-là, si vous pouvez pas venir dans une semaine, mais pourrais-tu m'apporter une petite assiette pour que je salisse ton meuble? Les gens qui s'occupent d'organiser ces affaires-là, vous mettront en première place dans la prochaine rencontre. Vous allez tout bien pas mourir si vous passez une semaine ou deux semaines. Fait que je vous le dis, si vous vous obstinez, puis il y a trop de statique, moi, vous coupez sa liste, puis ça va être final, puis vous ne viendrez plus. Parce qu'il y a bien du monde, il y a bien des gens, il y a au-dessus de 1000 personnes, puis faut que tous les gens aient la chance de venir. Alors, que les gens viennent, puis qu'il y a des gens qui aiment venir, puis qui viennent, ça marche. Mais je veux pas empêcher des gens de venir des rencontres sociales, ces rencontres-là qu'on fait de temps en temps, des petites rencontres plus intimes. Puis, je veux pas empêcher ces gens-là de venir parce que y a trop de monde. Alors, faut être raisonnable, faut qu'on puisse laisser la place aux autres. Si ça doit. Alors, s'il y a des grandes maisons, c'est pas grave. Mais on n'a pas de grande maison encore. Fait que, en attendant, les maisons qu'on a, comme ça, c'est pas mal grand, ça a du bon sens. Je peux pas toujours prendre, je peux pas demander à des gens qui ont des grandes maisons de toujours faire des rencontres chez eux. Docteur Arbeck, j'ai une grande maison, mais je peux pas tout demander au Docteur Arbeck de faire des rencontres chez eux parce qu'il y a une grande maison. Ces gens-là ont leurs activités, ainsi de suite. Fait que je vous l'avertis. Si vous pouvez pas venir dans les conférences, puis on vous le dit parce que c'est bourré. Si vous appelez avant, à ce moment-là, il y a pas de problème. Mais les derniers qui vont venir, on vous dira, ben la prochaine conférence, ben vous serez les premiers à la prochaine conférence. Fait que comme ça, tout le monde sera bien servi. Personne aura de raison de s'inquiéter. D'abord, vous avez rien à perdre. Quand même vous viendriez plus dans les conférences, ça va rien changer dans votre vie. Le travail était fait dans les séminaires. Moi, je continue simplement à raffiner ce que je fais. Fait que prenez-moi au sérieux. Je suis un homme bien sérieux. Je niaise pas. Bon. On bonne le sandwich. Là, je veux revenir à soi sur le problème de l'Antéchrist. Je veux l'expliquer d'une autre façon. Je veux pas révéler qu'est-ce que c'est l'Antéchrist encore, mais je veux l'expliquer d'une autre façon. Pour vous donner une plus grande profondeur d'esprit, pour vous désengager votre mental inférieur du symbolisme qui était rattaché à ce concept-là, à cette idée-là, à ce message-là. Puis aussi pour vous permettre de comprendre la nature de l'homme, la nature des liens entre l'homme et les plans invisibles. Puis comme je vous ai déjà expliqué, Moi, il y a seulement une façon de me comprendre, c'est vibratoirement. Si vous me comprenez symboliquement ou si vous prenez mes mots au sérieux, vous allez faire automatiquement fausse route parce que je ne parle pas à l'homme au niveau du mental inférieur. Je m'adresse toujours au supramental dans l'homme. Autrement dit, je vous parle toujours pour augmenter le taux vibratoire de votre mental pour que vous puissiez un jour, vous autres, avoir une vibration suffisamment haute dans le mental pour pouvoir comprendre des choses de l'esprit qui ne sont pas du domaine de l'intelligence humaine. Alors, quand votre vibration dans le mental sera suffisamment élevée à cause du rapport qu'on a dans ces conférences-là, à ce moment-là, un jour, vous pourrez comprendre des choses qui sont du rapport de l'intelligence supérieure, de l'intelligence de l'homme, et vous pourrez vivre de cette intelligence-là au lieu de vous faire manigancer. Alors, si je vous explique un thème ou un domaine du réel, c'est toujours pour vous faire avancer dans la vibration de votre esprit, ce n'est pas pour vous donner de la connaissance. Puis quand vous fonctionnez simplement au niveau vibratoire, mais à ce moment-là, vous serez plus impliqué dans la connaissance, puis à ce moment-là, vous serez libre dans votre esprit, puis à ce moment-là, vous pourrez connaître et comprendre les mystères du réel, puis savoir ce qui va se passer demain, dans l'an 2000, ainsi de suite. Comme je vous ai déjà expliqué, dans le réel, la vérité n'existe pas et le mensonge non plus. Alors, dans le réel, tout ce qui existe, c'est de l'énergie. Et c'est l'énergie qui devient le floodlight, qui devient la source de l'intelligence de l'homme. Alors, dans le réel, lorsqu'on appréhende les choses de par le réel, de par le supramental, on n'appréhende pas les choses selon un mode de perception psychologique, on appréhende des choses selon un mode vibratoire, puis la raison pour laquelle les hommes aujourd'hui sont dans l'ignorance, dans le monde entier, c'est parce que les hommes n'ont jamais appris à appréhender les choses d'une façon vibratoire, les hommes ont toujours appréhendé les choses d'une façon psychologique, d'une façon symbolique, d'une façon prophétique symbolique, d'une façon psychique symbolique, de sorte que tout le monde est dans la merde d'aujourd'hui, puis on a été mis dans la merde par tout le monde avec des bonnes intentions. Fait que j'essaie de vous sortir de ça, et c'est pour ça que je vais prendre des fois un thème, disons comme dans ce cas ici, que ce soit l'Antéchrist, puis je vais le décoder pour vous autres, le phénomène de l'Antéchrist, comme je pourrais décoder pour vous autres le phénomène du Christ, comme je pourrais décoder pour vous autres n'importe quel phénomène qui a été donné à l'homme pour sa compréhension psychologique, pour l'évolution morale, spirituelle de son être, pour qu'il en arrive un jour à rentrer dans sa propre intelligence, puis connaître les mystères et les secrets des mystères. Bon, là, je vais fermer ma gueule, puis je vais commencer. Alors, dans la portion du message que je vous donne, dans la portion de l'information que je traduis pour vous autres, à partir du vibratoire jusqu'au psychologique, à partir de l'énergie pour passer par les mots, dans cette portion-là, que j'appelle l'Antéchrist, je veux sortir un aspect de toute cette portion-là qui est très occulte et vous parler de cet aspect-là. Les autres aspects viendront après. L'Antéchrist sur la Terre, c'est la conscience astrale et le pouvoir de la conscience astrale sur l'esprit de l'homme. L'Antéchrist sur la Terre, c'est la conscience astrale, c'est-à-dire c'est une conscience psychologique, vibratoire, lumineuse, de très faible intensité, qui a le pouvoir d'exercer sur l'homme sa volonté. En se servant, chez l'homme, de ses émotions et de ses pensées. L'Antéchrist, c'est l'astral parce que l'astral est automatiquement, de par le fait qu'il existe, anti-lumière. L'Antéchrist, c'est l'astral de par le fait qu'il existe, parce que dans l'astral, il y a du temps, et que dans la lumière, il n'y a pas de temps. L'Antéchrist, c'est l'astral du fait que le temps coïncide dans l'expérience de l'homme avec la dégradation de l'énergie de lumière. Ce qui permet à la lumière dans le cosmos de dégrader, autrement dit, d'atteindre des niveaux d'insuffisance, c'est-à-dire d'atteindre des niveaux de puissance tellement faible que les principes inférieurs éventuellement la dominent, s'en servent pour s'éclairer eux-mêmes, de sorte qu'on a chez l'homme l'émotivité humaine et l'intellect. Alors, l'astral, c'est la représentation parfaite de l'Antéchrist, et l'astral existe dans tous les hommes de la Terre. De sorte que l'Antéchrist est en permanence, à un niveau quelconque, dans des conditions quelconques, selon un mode de pénétration quelconque, dans tous les hommes de la Terre. Alors, cherchez pas loin pour l'Antéchrist. Il est dans l'homme, l'Antéchrist, et l'Antéchrist fait partie de cette condition de l'astral qui permet que les hommes les plus affectés par l'Antéchrist sont les hommes qui ont le moins de volonté. Et les hommes qui ont le moins de volonté sont les hommes qui souffriront le plus de l'Antéchrist, pas nécessairement sur le plan du mystère, de la puissance, du royaume intégré dans la matière, mais sur le plan de l'exercice vibratoire par les modes d'opération de cette énergie-là à travers le centre mental de l'homme et à travers l'émotion de l'homme, autrement dit, à travers vos personnalités. Ah, la présence, ce qui rend possible sur la Terre, sur notre globe, les activités vibratoires, psychologiques, immorales, anti-hommes, de cette énergie qu'on appelle l'Antéchrist, c'est l'absence de volonté. Alors, pour combattre l'absence de volonté chez l'homme, j'ai indiqué à l'homme l'importance de réaliser la nature des formes dans sa vie qui coïncide avec la pénétration des énergies astrales et qui permettent à cette conscience-là de s'implanter dans la conscience de l'homme, souvent dans des modes qui ne sont pas violemment antichristiques, mais dans des modes qui sont violemment anti-homme, c'est-à-dire violemment anti-individu ou violemment anti-lumière. Et dans les hommes, pour combattre le phénomène de pénétration de cette énergie-là, j'ai indiqué l'importance de la volonté et de l'intelligence. Et j'ai indiqué l'importance de vivre de la volonté et de l'intelligence à l'extérieur des systèmes subjectifs, illusoires de la volonté que l'homme s'approprie pour des raisons émotionnelles et qui n'ont rien à faire avec la volonté réelle. Que ce soit les drogues, que ce soit la boisson, que ce soit les modes de pensée, que ce soit les modes d'action qui ne réfléchissent pas dans l'homme de l'intelligence et de la volonté, ces aspects-là permettent à l'individu d'établir des liens vibratoires à son insu qui sont antichristiques, c'est-à-dire qui mènent l'homme de plus en plus vers la défaillance de la lumière en lui, c'est-à-dire vers la perte de son intelligence, vers la perte de sa volonté, vers l'élimination graduelle, la dégradation graduelle de son identité, qui est essentielle parce que c'est dans l'identité réelle que l'homme retrouve son immobilité psychologique. Et c'est seulement lorsque l'homme vit et découvre son immobilité psychologique, c'est-à-dire cette condition de son mental et de son émotion qui est suffisamment centrée dans sa lumière, que l'homme n'est plus perturbable par les forces antichristiques, qu'elles soient dans l'astral ou qu'elles soient matérialisées en puissance ou en pouvoir dans le monde. Alors, la seule puissance que l'homme peut posséder vis-à-vis cette énergie, c'est la puissance de sa volonté et la puissance de son intelligence, dont j'ai expliqué les mécanismes dans les séminaires et ainsi de suite. La conscience antichristique dans le monde devient de plus en plus vaste et les individus dans le monde qui sont les plus affectés par la pénétration de la conscience antichristique sur la Terre sont les individus qui souffrent de volonté et qui manquent d'intelligence et qui sont éventuellement abusés à un tel point par cette énergie-là qu'ils en subissent le choc. Et ces individus-là sont ceux qu'on dit qu'ils souffrent de folie ou d'aliénation mentale. Mais il y a une autre chose qui se produit. C'est qu'il y a des individus qui souffrent d'aliénation mentale parce que ils sont faibles, ils ont pas de volonté, parce que souvent ils ont des défaillances caractérielles. Et la maladie mentale existe sur la Terre depuis très longtemps. Mais la maladie mentale, auparavant, affectait certains individus. Auparavant, la maladie mentale affectait les faibles. Et je vous dis que dans l'avenir, la maladie mentale affectera même ceux qui sont un peu plus forts. Et lorsque la maladie mentale va commencer à affecter ceux qui sont un peu plus forts, ceci veut dire que le rapport vibratoire entre l'énergie astrale et l'homme va grandir. Et lorsque le rapport vibratoire entre l'énergie et l'homme va grandir, si l'homme ne sait pas ce qu'est le réel et ne comprend pas les lois de l'énergie, les lois de l'homme, les lois de l'anti-homme, les lois de l'esprit, les lois de la vérité, les lois du mensonge, si l'homme ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, il va craquer. Alors, les forces vont rentrer lentement, lentement, lentement, lentement, lentement, puis après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, le gars, il craque. Parce que le gars a pas compris ce qui se passe dans sa tête. Et quand je dis qu'au début, dans le passé, les gens qui étaient les plus affectés par ce qu'on appelle la folie, c'était les faibles, les gens qui avaient certaines déficiences, j'avertis aujourd'hui la population que demain, ce seront les ceux qui sont un petit peu plus forts qui seront affectés par la folie. Puis, un petit peu plus fort, dans le, un petit peu plus loin dans l'avenir, lorsque l'homme va rentrer dans la plénitude de la fin du cycle, encore ceux qui sont un petit peu plus forts vont craquer. Quand on va arriver dans les années 90, 95, ceux qui sont un petit peu plus forts vont craquer. Puis quand ça va venir, la fin du cycle, tout le monde va craquer. Excepté ceux qui vont être dans leur propre énergie. Quand ils disent, quand Jean explique dans ses textes de révélation que les hommes voudront mourir, ils ne seront pas capables de mourir. Ça veut tout dire. Alors, il y a des cycles de vie qui commencent, qui sont déjà commencés, qui s'intensifient. Et quand ces cycles-là viennent, les vibrations deviennent plus fortes. Et ça se manifeste dans le monde entier à tous les niveaux. Il s'agit qu'il y ait un homme dans le monde qui se fasse prendre par ces vibrations-là, puis qui a le commet un meurtre, qui descend un président de nation, ou qui assassine une personne, et qui engendre des vibrations. Vous savez comment ça marche, les assassinats? Vous savez ce qui se passe émotivement à Rome ou en Italie ou dans le monde quand un aide comme le pape se fait presque assassiner? Bon, mais c'est de même que ça marche. Puis laissez-moi vous dire que du matériel, il y en a en masse. Des individus prêts à agir dans le monde de toutes les façons pour descendre les chefs d'État, pour descendre ceux qui maintiennent un semblant d'ordre, il y en a en masse. Des criminels, puis des gens qui souffrent de folie, ou qui souffrent d'hallucination, ou qui souffrent d'illusion, il y en a en masse. Fait que vous pouvez vous attendre à un party tout à l'heure. Il y a un phénomène extraordinaire qui existe chez l'être humain. C'est le phénomène du sensationnalisme. On vit de sensations. On aime la sensation. Et plus on entre dans la conscience interne, plus on apprécie même la sensation. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, « Bon, ça va mal dans le monde, tant mieux, les temps approchent. » Il y en a qui pensent de même. Puis ça, c'est une forme de vanité, c'est une forme d'orgueil, parce que ça leur permet de confirmer ce qu'ils sentent un petit peu, ainsi de suite. Ça va loin, l'orgueil. Mais je vais vous dire une chose. Il va venir un temps dans l'histoire de l'homme où l'homme va être grillé dans son mental. Parce que l'homme doit vivre un autre mouvement dans son histoire humaine. Un autre cycle de vie. Et l'énergie qui descend sur la Terre présentement et qui devient de plus en plus forte sera supportable par ceux qui sont les plus prêts de leur intelligence et de leur volonté, et qui sont les moins affectés par leur émotivité. Puis c'est les gens qui passeront à travers ça, vous pouvez les compter sur vos doigts. Sur vos doigts. C'est pour ça que les forces antichristiques sur la Terre deviennent de plus en plus grandes, et il y aura de plus en plus de gens affectés par ces forces-là, parce que l'homme est astral. On est astral. Il y a une partie de nous autres qui est en connexion, je dirais pas en harmonie, mais qui est en syntonisation avec ces mondes-là, à notre insu. Il y a seulement une façon pour l'homme de détruire la puissance astrale en lui, c'est par son intelligence. Et il y a seulement une façon à l'homme, ou pour l'homme, d'acquérir son intelligence, c'est en dégradant constamment la vibration astrale dans son intelligence, qui est le résultat de la contamination de son intellect par ses émotions. Et je vous ai déjà donné des façons d'en arriver à ça quand je vous disais « Apprenez donc à écouter, mais à ne jamais croire ce que vous recevez dans votre tête, à scruter ce que vous recevez dans votre tête, à les amener contre les murs, à amener l'intelligence contre le mur pour que l'intelligence vous satisfasse humainement dans votre tête, pour que vous sachiez vibratoirement que ce que vous recevez dans votre tête, c'est ça, pour raffiner votre intelligence, puis couper la vibration astrale qui infecte votre intelligence et qui vous empêche d'être intelligent, autrement dit, d'être dans votre propre lumière et de pouvoir fonder vos actions sur votre connaissance et sur vos rapports parfaits ou de plus en plus parfaits avec votre propre énergie au lieu d'être manipulé à votre insu par des forces qui sont astrales et qui sont antichristiques. Et quand je dis que l'homme est sensationnaliste, je veux dire qu'il y a bien des gens qui s'imaginent, oh, l'Antéchrist, il va venir dans les années 92-93, ainsi de suite. Le point n'est pas là. Qu'il y a un personnage qui vienne dans le monde en 92-93, ce personnage-là sera fait, sera manipulé par les mêmes énergies, un peu comme Hitler l'était. Mais même si cet individu-là est supposé venir en 92-93, vous ne le saurez jamais avant 92-93. Fait que ceux qui attendent avec des calendriers pis des montres que le gars apparaisse en 92-93 pis qu'il check les dates, pis qu'il check ce que Gene Dixon dit, pis qu'il check ce que l'autre voyante dit, pis que vous allez arriver que vous allez être pas mal mélangé dans vos têtes, parce que le secret de l'Antéchrist ne sera jamais révélé à l'homme. Les seules personnes sur la planète qui connaissent la date de la pénétration de l'Antéchrist ou des formes de pénétration de l'Antéchrist, à quelque niveau que ce soit, sont ceux qui sont en dehors de la forme, pis il y en a très peu sur la Terre. Alors, ce que l'homme a besoin de savoir sur la Terre, ce que l'homme a besoin de comprendre sur la Terre, sur le plan matériel, c'est son intelligence et sa volonté. Le phénomène de l'Antéchrist est un phénomène extrêmement occulte. Il est occulte dans ce sens que l'homme est totalement en dehors du réel. Si l'homme était dans le réel, l'homme serait absolument au courant de tous les aspects du phénomène de l'Antéchrist sur la Terre, et l'homme n'en serait même pas perturbé par ce phénomène-là. L'homme n'en serait même pas consciemment affecté de ce phénomène-là. Parce que l'homme n'aurait pas de crainte. Mais pour que l'homme vive comme ça, il faut qu'il soit dans son intelligence, il faut qu'il ait accès à sa volonté, et si l'homme n'a pas accès à sa volonté, surtout s'il est sensible, ces forces-là, un jour ou l'autre, lorsqu'elles deviendront de plus en plus fortes, de plus en plus grandes, créeront dans l'homme une vibration, et s'il n'a pas l'intelligence et la volonté, sa propre intelligence et sa propre volonté, qui est l'union de son esprit avec l'esprit supérieur, l'homme ne pourra pas subir le choc, ne pourra pas subir le coup de la mutation. Parce que on est friand de symbolisme, on est friand de sensationnalisme, on est friand de concepts de toutes sortes comme l'immortalité, puis la sixième race, puis toutes les conneries des mots, on est friand de ça. Mais on n'a aucun lien avec le réel. On est totalement marginal au réel. Puis les gens me donnent toutes sortes de raisons, puis d'excuses contre le réel. Je vous le dis, il n'y en a pas une crise d'excuses contre le réel. Fait que le réel, c'est absolu, puis ceux qui vont rentrer dans le réel, puis ils peuvent être comptés sur nos doigts dans le monde, dans toutes les nations, vont être amenés au bout du mur. Puis quand je veux dire au bout du mur, je dis au bout du mur de leur esprit, de leur intellect et de leur subjectivité émotive. Puis je vous dis en 1981, puis vous allez réaliser qu'en 80, 85, 90, 95, que je me trompe pas d'un os. Les gens qui vont passer de l'autre bord, qui vont passer à l'éther, vont être amenés au mur. Parce qu'il y a rien qu'une façon de passer à l'éther, c'est parfaitement. Fait que si les gens ne sont pas dans leur intelligence, dans leur volonté, parce qu'ils sont affectés par les forces antichristiques au niveau astral, les gens ne pourront pas vivre l'expérience et les gens seront obligés automatiquement de mourir et de passer et de continuer leur évolution sur d'autres plans et sur d'autres planètes. Ça, c'est pas un cadeau. Quand vous connaissez les lois de l'évolution comme moi, je les connais. Surtout quand on est proche, quand on est prêt et qu'on manque le bateau. J'ai reçu un texte hier ou avant-hier de Californie. Il y a quelqu'un, il y a des cassettes qui ont tombé dans les mains de des gens en Californie. Puis j'ai reçu un volet. De la traduction anglaise de ces textes-là, de ces cassettes-là. Je pense à des cassettes, vous avez des cassettes. Pis c'est extraordinaire qu'il y ait des gens loin du Québec qui saisissent parfaitement ma pensée, qui peuvent prendre ce que je dis et le traduire dans une autre langue sans faire aucune interférence vibratoire au niveau de leur ego avec ce que je dis. Alors, il y a des gens dans le monde qui sont très prêtes. Très prêtes. Et l'avantage du noyautement qui se forme dans la province de Québec, c'est que le noyautement dans la province de Québec permettra un jour à ces gens-là venant de différentes nations de rencontrer des gens qui sont noyautés dans la province de Québec, c'est-à-dire des gens qui auront vécu d'une façon suffisamment proche avec mon corps matériel pour comprendre suffisamment rapidement pendant un certain nombre d'années, l'essentiel de ce que je veux dire, parce que moi, je ne vais pas me promener dans le monde, j'ai pas le temps. Alors, les gens ont avantage, dans la province de Québec, de bien comprendre l'essence de leur intelligence. Et pour comprendre l'essence de leur intelligence, ils doivent en arriver à totalement être libres de l'énergie astrale dans leur conscience. Et il y aura toujours de l'énergie astrale dans la conscience des gens tant que les gens ne seront pas suffisamment forts, c'est-à-dire suffisamment dans leur propre lumière, pour voir et sentir et réaliser cette énergie astrale-là qui manipule leurs émotions et manipule leur comportement psychologique. Les forces de l'Antéchrist sont extrêmement puissantes. Et les forces de l'Antéchrist sont les forces de l'Agartha sur la Terre. Et les forces de l'Agartha sur la Terre sont les forces de Menchi. Et ceux qui se connaissent un peu dans le mental connaissent la puissance de Menchi et savent que c'est Menchi qui domine et qui a dominé l'homme depuis des siècles et des siècles et des millénaires et des millénaires. Et le combat entre Menchi et des personnages cosmiques sur la Terre qui ne sont pas connus de l'homme est à la vie et à la mort. Et quand je dis à la vie et à la mort, je parle pas à la vie et à la mort matérielle. Je parle à la vie qui est la lumière et à la mort qui est la destruction des ténèbres. Alors, l'enjeu pour la survivance de la planète, l'enjeu pour la continuité de la planète, l'enjeu pour la résurrection de la planète Terre, l'enjeu pour la destruction des formes sur la planète Terre, sur l'esprit humain, est extraordinaire. Si vous alliez dans les plans, vous seriez abasourdi. C'est la guerre des mondes et la Terre en est le dernier point d'appui. Oubliez pas une chose, que vous autres, vous vivez dans vos corps matériels. Vous êtes totalement inconscients des autres parties de vous autres qui vivent dans d'autres plans, qui travaillent dans d'autres plans et qui éventuellement seront connectés avec votre partie matérielle, ceux qui le vivront, ça. De sorte que dans chacun de vous autres, il y a une partie qui sait, comme il y a une partie dans vous autres qui ne sait pas, qui est la partie qui est contrôlée par votre cerveau, votre intellect et vos émotions. Alors, la discrétion de l'homme devant la résurrection en lui de la perfection de l'intelligence est soumise à l'introduction dans lui du pouvoir de la lumière, et le pouvoir de la lumière dans l'homme ne se fait pas gratuitement et ne peut pas être vécu gratuitement tant que l'homme ne souffre pas des aliénations psychologiques, émotives et mentales de sa personnalité dans le corps matériel. Puis ça, je vous le dis à tout le monde. Fait que si vous avez des faiblesses psychologiques, Si vous avez besoin de béquilles pour vivre votre vie, il est temps que vous compreniez et que vous le réalisiez et que vous les mettiez à terre, vos béquilles, parce qu'il va venir un temps, là, je suis ici avec vous autres, je parle, je vous aime bien, puis même si vous êtes bien faible, je continue à vous parler pareil et à vous aimer bien, mais quand je vais vous partir, vous allez vivre un vide tellement grand que si vous n'avez pas accès à votre propre énergie, vous ne pourrez plus continuer. Puis quand je dis vous ne pourrez plus continuer, je dis vous ne pourrez plus grandir dans votre propre intelligence, vous allez arrêter là. Vous serez plus capable d'aller plus loin, vous allez arrêter là. Fait qu'attendez pas que le temps vous prouve que j'ai raison. Comprenez bien, c'est pour ça que je fais beaucoup de rencontres avec vous autres à tous les niveaux, pour vous parler de toutes sortes de façons, pour que vous compreniez vibratoirement ce que je veux dire et non psychologiquement, pour que vous puissiez laisser votre mental supérieur qui fonctionne vibratoirement entrer en liaison avec l'intelligence, pour que vous ayez cette fameuse connexion que vous avez besoin et qui est le dernier lien entre votre corps matériel et l'invisible. Quand je dis les gens, quand je dis au monde, apprenez à vivre vos expériences, apprenez à les subir, vos expériences, apprenez à les souffrir, vos expériences, lâchez les autres à côté, parce que vous avez un crisse de chemin à faire tout seul, laisse-moi vous le dire. Fait que si vous avez, à cause de vos petites imaginations, puis vos illusions personnelles, le goût d'aller changer le monde, puis rencontrer du monde, puis rendre du monde conscient, vous êtes dans des maudites illusions. Puis je vous le dis à soir. Je vous le dis à soir. Puis quand je vous parle toujours en relation avec des changements vibratoires que vous autres, vous allez vivre tout à l'heure, puis tout à l'heure, puis tout à l'heure, puis tout à l'heure. Fait qu'occupez-vous de vos oignons, puis apprenez une fois pour toutes de vous occuper de vos oignons, puis laissez faire les oignons des autres, parce que vos oignons ont beaucoup de plus à perdre. Le phénomène de l'Antéchrist, c'est un phénomène planétaire et c'est un phénomène cosmique à la fois. La partie de l'Antéchrist qui est cosmique, c'est la partie du Menchi. Puis la partie du Menchi sera connue de l'homme seulement quand l'homme aura le pouvoir sur la matière, que l'homme aura le pouvoir sur la lumière, que l'homme pourra se servir à volonté de la lumière et combattre dans les éthers les vaisseaux qui se promènent d'une galaxie à une autre, puis qui passent leur temps à contaminer les éthers des planètes pour renforcer leur propre champ magnétique. Mais l'homme, tant que l'homme est sur le plan matériel, tant que l'homme est dans la matière, que l'homme n'a aucune conscience de ce qui se passe dans l'invisible et qui ne connaît pas et qui ne comprend pas les lois de l'invisible, pas plus qu'il connaît les lois de la matière, anyway. L'homme a en belle à comprendre simplement une chose. Ce sont les aspects de lui-même qui lui sont expliqués sur le plan vibratoire et humain par un homme qui connaît les lois à la fois de la matière comme il connaît les lois de l'invisible. Alors, vous avez en belle à comprendre vibratoirement ce qui vous est rendu par la parole d'une personne ou d'un personnage que vous connaissez même pas. Vous me connaissez même pas, vous avez aucune idée qui je suis, puis vous le saurez pas tant que vous le saurez pas. Mais vous avez avantage à comprendre par vibration ce que je vous dis pour pouvoir faire la connexion entre votre mental et votre propre intelligence supérieure. Parce qu'il va venir un temps, puis ce temps-là s'en vient aussitôt que je cesse mes activités, où vous allez vivre le grand vide. Et quand vous allez vivre le grand vide, vous allez trouver ça très difficile, la solitude de l'homme, la solitude de l'identité, l'incapacité de vous raccorder psychologiquement à l'homme extérieur, à l'homme de la cinquième race, l'incapacité de savoir encore parfaitement ce que vous avez à savoir pour comprendre parfaitement ce que vous êtes. automatiquement, vous avez avantage pendant les années qu'on est ensemble d'enregistrer le plus vibratoirement ce que je vous dis, puis laissez vos intellects puis votre rationalisme de côté, puis toute l'autre connerie, toutes les autres conneries qui font partie de votre dimension humaine. Parce que si vous allez rentrer dans la dimension cosmique de votre être, vous êtes obligé de laisser de côté la dimension humaine de votre être. Sans ça, vous serez toujours affecté par les courants d'énergie qui sont antichristiques et qui s'opposent totalement à la pénétration sur la Terre de la lumière et à la réorganisation atomique de l'homme et à l'infusion dans l'homme de la connaissance parfaite et aussi qui s'opposent à la restructuration dans le cosmos invisible des liens qui existent entre l'homme avancé d'aujourd'hui et les anciens hommes de la Terre qui sont arrivés à des niveaux de très haute évolution comme les Vénusiens. Oubliez pas une chose, que l'homme est homme, et tant que l'homme sera homme, l'homme sera soumis automatiquement par domination vibratoire à l'énergie de l'astral. Qu'il le veuille pas, qu'il spiritualise, qu'il spiritualise pas, qu'il soit matérialiste, qu'il soit pas, qu'il soit simple ou qu'il soit orgueilleux, ça change rien. Qu'il pense qu'il est bien smart ou qu'il pense qu'il est pas ça, ça change rien. Mais l'homme est automatiquement soumis aux forces de l'astral et il ne peut détruire ces forces-là que par lui-même. Moi, je peux pas détruire les forces de l'astral pour vous autres. Je peux vous donner les moyens, je peux vous expliquer les clés, je peux vous expliquer tout ce qui concerne le fameux mystère de l'homme qu'on n'a jamais compris. Mais c'est seulement de votre propre expérience que vous pouvez comprendre les nuances de ce que je vous dis pour pouvoir éventuellement réaliser votre propre intelligence parce que l'homme doit réaliser sa propre intelligence. Puis vous ne savez pas qu'est-ce que c'est votre propre intelligence. Votre propre intelligence, c'est un aspect de vous autres qui est multidimensionnel, qui caractérise les différents niveaux de votre conscience, c'est-à-dire qui caractérise les différentes étapes d'évolution de votre âme et qui peuvent, dans des conditions optimales, vous permettre en tant qu'entité de comprendre et de connaître tous les niveaux de votre évolution et tous les niveaux de votre action dans les champs évolutifs, c'est-à-dire dans les plans invisibles, pour que vous puissiez en tant qu'homme, sur la Terre, lorsque la mutation est commencer un nouveau processus d'organisation atomique sur la Terre pour que la conscience de la civilisation change et pour que, une fois pour toutes, les forces antichristiques qui sont dans l'astral, qui résident dans l'astral et qui se servent de l'astral, ne puissent plus avoir sur l'homme de domaine. Et pour comprendre le phénomène de l'antéchrist, il faut comprendre le phénomène du Christ. On ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Ce que veut dire le Christ, le mot Christ, ce que ça veut dire, pour le moment, ça veut dire toute conscientisation de la lumière dans l'homme. Alors, lorsqu'il y a conscientisation dans l'homme de la lumière, il y a descente dans la matière, dans l'expérience de l'homme, sur les plans, dans le périmètre de sa propre énergie, il y a ce qu'on appelle de la conscience christique. Mais la conscience christique, ça va plus loin que ça. Parce que la conscience christique, c'est un champ d'énergie, c'est un champ magnétique dans l'univers. Et ce champ magnétique-là est tellement puissant qu'il contrôle vibratoirement tous les champs magnétiques inférieurs qui sont de la même luminosité, qui sont de la même vibration. Autrement dit, cette conscience christique-là, cette conscience universelle, ce champ magnétique universel, contrôle par vibration tous les champs inférieurs à lui-même. De sorte que lorsqu'un homme est conscientisé, lorsqu'un homme est dans sa propre lumière, lorsqu'un homme a atteint un certain niveau d'évolution, il a automatiquement une certaine résonance. Et la résonance qu'il possède fait partie de la fracturation instantanée de son champ magnétique dans les éthers, et c'est ça qui permet à cet homme-là de pouvoir être appelé un enfant de lumière, parce que à cause du fait que la résonance se fait, et qu'il y a fracturation en lui de son champ d'énergie, il y a toujours une partie de lui qui est en accord avec ce champ immense qu'on appelle la conscience christique, que vous autres vous appelez le Christ. Le Christ, ce n'est pas un personnage. Le Christ, c'est un champ d'énergie, c'est un champ magnétique intelligent. Fait que c'est pas un personnage. Il est temps que vous commencez à comprendre que dans l'invisible, les choses ne sont pas déterminées selon la loi des formes, mais les choses sont déterminés selon des aspects de force, et les aspects de force sont la manifestation dans les éthers de certains principes, et les principes sont, dans les éthers, la structuration parfaite de toutes les possibilités de ces hauts champs d'énergie-là qui sont des consciences intelligentes. Alors, le CRIS, c'est un champ magnétique de haute intelligence, et ce sont ces champs d'énergie-là qui sont plusieurs, parce qu'il y en a plusieurs CRIS dans les univers, ce sont ces champs-là qui ont la capacité de maintenir à tous les niveaux de l'expérience des systèmes qu'ils contrôlent, si vous voulez, les états de vie et les états d'évolution dans les cosmos locales ou dans les régions local où évoluent des entités telles que l'homme. Ah, le Christ, c'est pas un personnage, puis attendez-vous pas à ce que le Christ se revienne assis sur une chaise d'homme. Mais si le Christ n'est pas un personnage, l'Antéchrist non plus n'est pas un personnage dans la dimension cosmique des éthers. L'Antéchrist, c'est une énergie, c'est un lieu. C'est un lieu puissant qui se manifeste et qui prend racine dans des mondes inférieurs et qui se localise par le biais de certaines pénétrations dans l'homme, ce qu'on appelle l'émotion et la pensée subjective. Lorsque l'homme sera dans les éthers, lorsque l'homme sera libre, à ce moment-là, l'homme pourra contrôler ces forces-là, pourra créer la répulsion nécessaire de ces forces-là. L'homme ne pourra pas être affecté par ces forces-là. Avec grande facilité. Mais tant que l'homme est dans la matière, et ça c'est un point important, tant que l'homme est dans la matière, il est conquis dans son essence par la permanence de ses sens matériels. Autrement dit, tant que vous vous servirez de vos sens, quand je parle de vos sens, je parle tous des aspects de vous qui vous permettent, qui permettent qu'on vous appelle des hommes, tant que l'homme se servira de ses sens dans l'expérience de l'évolution, il ne pourra pas comprendre le phénomène de l'Antéchrist. Le phénomène de l'Antéchrist ne se comprend que par vibration, il ne se comprend pas par les sens, à quelque niveau que ce soit. Et la plus grande manifestation dans le monde aujourd'hui, puis je veux que tu fermes le tape pour une seconde, là, avec une seconde, là. Un jour, vous allez comprendre par votre propre intelligence, vous n'avez pas besoin de comprendre et vous ne devez pas comprendre par une autre intelligence que la vôtre, mais vous comprendrez par votre propre intelligence un jour. Et ceux qui comprendront par leur propre intelligence un jour comprendront une chose, qu'ils sont déjà comptés. Et quand un homme est compté, il se sait compté, mais il le sait vibratoirement qu'il est compté. Il ne peut pas être compté parce qu'il le désire être compté. Il ne peut pas être, comme on dit en parenthèse, dans les religions ou dans les systèmes philosophiques, être sauvé parce qu'il veut, il veut être sauvé. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même. N'est pas sauvé qui veut. Il n'est pas sauvé qui peut, et sauvé qui doit. Et quand je dis « est sauvé qui doit », je veux dire « est sauvé qui doit être sauvé parce qu'il a le rein assez fort pour prendre le choc de la mutation. » Donc, cherchez pas plus loin que ça. Puis si vous cherchez plus loin que ça, ça fait partie de vos affaires. Moi, je vous le dis, un jour, vous comprendrez. Mon expérience, je peux pas vous la donner. Je peux bien jaser puis parler, mais je peux pas vous donner mon expérience. Puis un jour, quand vous le saurez pour vous-même, à ce moment-là, vous le saurez puis on se comprendra. Fait qu'en attendant, si vous avez de l'énergie à perdre, ben perdez-la, c'est votre énergie, c'est pas la mienne. Alors, quand tu dis sauver, tu veux dire libérer plus rapidement pour vraiment une semaine. Parce que je comprends bien, c'est le même aboutissement pour tout le monde. Toi, tu te mets toujours une porte de sortie. C'est toujours, il y a toujours le même aboutissement pour tout le monde éventuellement. Éventuellement, tout le monde va être sauvé. Éventuellement, tout le monde s'immortalise. Mais continue à tenir après cette queue-là, puis elle va te faire tourner la queue, puis elle va te faire tourner la queue, puis elle va te faire tourner la queue. Parce que tu vas comprendre quelque chose un jour, c'est que ta vie, elle commence tout de suite, puis faut pas qu'elle finisse un jour. Quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre quelque chose. Le reste, c'est de la philosophie, c'est du rationalisme, c'est de l'espoir, c'est un tampon psychologique que tu te donnes à cause de l'émotivité dans ton mental. Puis les hommes sont tous de même. Est-ce que tu veux dire que la volonté, ça détruit... Laisse-moi finir ce que je dis, là, pas que je perde ma traque, là. Parce qu'il demande une question, puis j'y réponds d'une certaine façon, parce que ça sert à tout le monde. On est des yo-yo. On a toujours été des yo-yo, on n'a aucune idée du réel, on a subi la vie pendant des siècles, toute la période de l'évolution. Hein? Et aujourd'hui, l'humanité entière subit l'Asie. Alors, aujourd'hui, à la fin d'un cycle, pour que l'homme cesse de subir la vie, il faut qu'il y en ait un qui vienne d'un plan puis qui descende dans la matière pour expliquer à l'homme qui subit la vie comment est-ce que ça marche, la vie. Qu'est-ce que c'est, la vie? Alors, lorsque l'homme commence à comprendre ça, il se produit un phénomène en lui. C'est qu'il commence à réaliser son importance en tant qu'être, pas en tant qu'homme. On n'a pas d'importance en tant qu'homme. Parce que l'homme devient surhomme. Fait qu'il n'y a rien là. Être homme, ça fait partie de l'évolution. L'autre stage après, c'est le surhomme. C'est celui-là qui est important. Mais on arrive éventuellement à réaliser l'importance de notre être. Puis je vais vous dire où est localisé notre être. Notre être, il est localisé dans notre intelligence. Parce que quand on va dans l'éther, la partie de nous dans l'éther qui est manifeste, qui est créative, qui est évolutive, qui est constructive à tous les niveaux, c'est notre corps éthérique. Et notre corps éthérique, c'est le plus haut, le plus grand et le plus beau de tous nos principes. C'est le plus parfait de nos principes, c'est le plus puissant de nos principes, et c'est de ce principe-là qu'on vit. Alors, si on est dans la matière, pour en arriver à vivre de ce principe-là, on a seulement une voie, puis il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Les voies mènent toutes à un chemin, puis ce chemin-là, c'est la conscience. Et cette conscience-là veut dire intelligence et volonté. Et l'intelligence et la volonté mènent à quoi? Lorsque l'homme comprend les mécanismes, il mène à la destruction du pouvoir astral de la forme sur lui. Pour faire quoi? Pour libérer dans l'homme le surhomme. Pour tuer dans l'homme l'anti-homme. Le surhomme existe déjà dans l'homme. Mais pour que l'homme vive, découvre le surhomme en lui, il est obligé de réaliser une chose. Il est obligé de réaliser sa position vibratoirement, pas psychologiquement ou spirituellement, vibratoirement vis-à-vis lui-même. Et lorsque l'homme réalise sa position vis-à-vis lui-même, autrement dit, la partie de lui-même qu'il connaît pas, qui est en dedans de lui, qui fait partie de son intelligence, lorsque